27 observations. Il reste, il en reste. Il reste des galettes? Oui, il reste des galettes. Oui, il en reste. Oui, il reste deux galettes. Oui, il en reste deux. Notez que dans ces phrases, il ne représente aucun nom en particulier. C'est une sorte de pronom impersonnel, comme dans « il faut » ou « il pleut ». Notez que « en » représente des galettes. « En » fonctionne comme une sorte de pronom partitif.